défile, je le regarde sans comprendre. Mmh. À 20 ans, t'as déjà peur de plus savoir tes temps. Mmh. Tout va vite, tout glisse, rien s'arrête vraiment. On vit à 100 à l'heure, même quand on fait semblant. Les messages défilent, les décisions se prennent trop tôt. On veut réussir vite, mais on finit souvent KO. Le temps court comme un voleur qui veut tout récupérer. Je me bats pour respirer avant de m'asphyxier. J'ai des rêves qui s'empilent, mais jamais le temps de les suivre. Dans ce monde pressé, même nos émotions vont trop vite. Ouais, tout va trop vite, j'arrive pas à tout saisir. Je cours, mais je vois pas toujours où faut aller, où faut fuir. Je me bats pour garder le contrôle même quand tout glisse. La vie défile, je résiste, même quand tout va vite. Les gens changent vite, parfois plus vite que les saisons. Des liens solides s'effacent sans la moindre raison. On veut tout, tout de suite, sans savourer l'instant. On fait semblant d'être bien, mais on explose souvent. J'essaie de ralentir, mais la vie me tire vers l'avant. J'essaie de prendre une pause, mais elle dure rarement. J'ai 20 ans, j'apprends que rien reste éternel. Que même les beaux moments passent trop vite sous le ciel. Je cours mais je vois pas toujours où faut aller, où faut fuir. Je me bats pour garder le contrôle même quand tout glisse. La vie défile, je résiste, même quand tout va vite. Hey, j'essaie de ralentir même si tout s'accélère. Hey, je garde les pieds au sol même quand la vie m'enterre. Hey.